Mais le contraire avec son contraire. Quelquefois, ce sont les gens qui répondent. Mais quelquefois, ce sont les gens qui vont poser les mauvaises questions, qui vont voir les mauvais gens pour poser les questions. Des questions sur le talaq, sur le divorce, ne va pas voir un tel ou un tel. Va voir le ulama, appelle. Alhamdulillah, il y a le téléphone maintenant. Alhamdulillah, on peut. Tu peux faxer, tu peux téléphoner, tu peux même téléphoner à un frère qui téléphone. Et il te donne le fatwa. Et c'est ça qui t'a été demandé. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل a dit à son prophète عليه الصلاة والسلام selon le sens du verset, appelle sur le chemin de ton Seigneur avec la sagesse, avec un bon discours, et discute avec eux d'une bonne manière. Aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils parlent aux gens, ils crient. Qui va accepter, subhanallah? Tout le monde se connaît. Qui va accepter qu'on lui crie dessus? Qui va accepter qu'on lui crie dessus? Personne. Personne n'accepte qu'on lui crie dessus. Lorsque tu dois corriger quelqu'un, lorsque tu dois lui faire la prêche, ne lui crie pas dessus. Parle-lui tranquillement. Laisse-le parler, parle. Laisse-le parler, parle. Chacun son tour parle. Combien de discussions on voit autour de nous où on n'entend même plus l'autre parler et ça s'énerve, et jusqu'à ce que même parfois on en arrive aux mains, wallahi azubillah, ou bien l'autre se lève et il part. Hada min waswas shaytan. Pourquoi? Parce que ta niya à la base elle n'est pas bonne. Ta niya elle doit être de chercher la vérité, al-haq. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, c'est de chercher la vérité. Laisse parler l'autre, il ramène ses arguments, tu ramènes tes arguments. Il ramène ses arguments, tu ramènes ses arguments. Tuhibbuhu fillah, tu l'aimes pour Allah, si tu n'es toujours pas convaincu par ce qu'il a dit. Chacun continue sa route, mais chacun il s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu précédemment. S'éloigner de ce qu'on appelle qil wa qal. Quelquefois tu entends certains qui vont dire, même s'il étudie, il va dire oui, mais le hukm dans ça c'est ça. Tayyib, qui l'a dit? Ça c'est ça, Allahu a'lam, je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'est ça. Kayf, al-ilm al-yaqin. Un tel il a dit, je pense que le hukm c'est ça. Selon ce que je connais, hein, selon ce que je connais, je pense que la règle c'est ça. Qui t'a demandé de penser? Qui t'a demandé de croire? Tu dois en référer aux gens de science. Tu dois être certain. Pas de qil ou qal, je crois, je pense. Un tel, il a dit. Non. Tu as ramené le fatwa, c'est quoi cette fatwa? C'est quoi la question qui a été posée? C'est quoi la réponse qui a été donnée? Qui l'a donnée parmi les ulama, parmi les savants? Comme l'imam Ahmed, rahmallah, qui insistait sur ce fait lorsqu'il disait « Iyaka an tatakallama fi mas'ala » Gare à toi de parler dans une question, « Laysa imam qablak » Qu'il n'y a pas un imam avant toi qui t'est devancé dans cette mas'ala, dans cette question religieuse. Dis-toi bien une chose, lorsque tu vas dire à quelqu'un, même ici dans la mosquée, ou même chez toi, ou même dans tout, lorsque quelqu'un vient te questionner, tu lui dis « Hada haram la yajouz » Ça c'est haram. Le fais pas, c'est haram. C'est comme si tu disais « Allah t'a dit que c'est haram. » Tu vois là, cette responsabilité que tu es en train de passer là? Lorsque tu vas dire « C'est makrouh », c'est détestable ça, là, ce que tu fais. C'est comme si tu dis « Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit que c'est détestable. » Lorsque tu dis ça c'est permis, c'est que tu es en train de dire qu'Allah il a dit que c'était permis. Voilà pourquoi il a mentionné, Inch'Allah Ta'imin, rahmallah, cette question. Lorsqu'il a mentionné les savants, il a bien dit que les savants prennent conscience qu'ils sont l'intermédiaire entre Allah, bayn Allah wa l'umma. Qu'ils sont l'intermédiaire entre Allah et la communauté, l'ulama. Les savants, pas toi, ni moi, ni qui que ce soit. L'ulama, les savants. Il est l'intermédiaire entre Allah et la communauté. C'est lui qui dit ce qu'Allah a dit. C'est lui qui interdit ce qu'Allah a interdit. C'est lui qui permet ce qu'Allah permet. Tu vois cette responsabilité? Et combien aujourd'hui viennent avec qil ou qal? Je crois, je pense. Subhanallah. Tu ne dois pas te baser sur des doutes. La science est une certitude. Et sois certain d'où tu tires ta science. Tu es certain que c'est tel shir, il l'a dit dans telle cassette, il l'a dit dans tel livre, La question, c'est ça qui a été posé. La réponse, c'est ça qui a été donné. Et telle réponse dépend de telle question, etc., etc. Al-Salaf, rahimahumullah, les pieux prédécesseurs apprenaient le comportement avant d'apprendre la science. C'est là pourquoi, c'est pour ça que tu vois beaucoup de dégâts autour de nous. Il y a beaucoup de dégâts. Subhanallah, comme il a mentionné Cheikh Abdelaziz Sathan, Hafidallah, sur Riyad, il a mentionné, regardez, subhanallah, fil masajid, il y a des mosquées, il y a des ulama, il y a des cassettes, des livres, des universités, des écoles, je parle de tout ce qui est fil islam. Et à la fin, il a dit quoi? Aïn al-amal. De tout ce qu'il y a là, où est-ce qu'on voit les actions, les fruits de toute cette science qui est propagée partout? Sur Internet, comme certains parmi les gens de science l'ont mentionné, tu as plus de livres qu'un savant en a dans sa maktaba, dans sa bibliothèque. Et c'est là l'erreur de ne pas confondre le savant et le lecteur. Al-alim wa alim bi'ilmihi wa ya'mal. Le savant, c'est un savant. Il est savant avec sa science, mais il applique sa science. Alors que le lecteur, il lit, il lit beaucoup de livres, il écoute beaucoup de cassettes, mais il n'applique pas. Ce sont deux choses différentes. Il y a une différence entre le savant et le leur. Le savant applique sa science. C'est ce que chacun doit faire, appliquer sa science. L'un parmi ses élèves disait, je me suis assis 9 ans, subhanallah, 9 ans, avec mon shir, ma katab touché, je n'ai rien écrit. Pendant 9 ans, je suis resté assis avec mon shir, je n'ai rien écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Certains vont dire, bah, alhamdoulilah, j'écris pas. Il n'a pas perdu son temps pendant 9 ans. Pendant 9 ans, déjà, il écoutait attentivement, mais il a dit quoi? J'ai regardé les comportements de mon shir, comment il était dans fil akhlaq. Dans les comportements, comment il se comportait. Voilà qu'est-ce qu'il a regardé. Celui qui a eu l'occasion de s'asseoir avec un savant, il va beaucoup apprendre, même s'il ne comprend rien, il va apprendre juste en regardant. Comment il répond à telle question? Comment il éduque les élèves? Cheikh Al-Uthaymeen, rahmallah, il avait l'habitude, juste quelqu'un qui n'arrête pas de parler pendant un dars, il lui dit, Qawm, lève-toi. Et après, il ne le calculait plus. Il restait assis pendant tout le cours. Ça va lui apprendre, c'est pour l'éduquer. Il avait l'habitude quand quelqu'un, il était devant lui, il touchait sa lahya comme ça, sa barbe, il n'arrêtait pas. En général, quand tu réfléchis, tu es toujours comme ça. Tu touches le lahya parce que tu réfléchis. Il lui disait, enlève ta main, plusieurs fois. Juste en regardant le shir, tu peux apprendre. 9 ans, subhanallah, avec son shir, il n'a rien écrit. Il n'a écrit que plus tard. Et pendant 9 ans, il a appris les bons comportements. Et c'est ce que Salaf, rahimahumullah, faisait, d'apprendre les bons comportements avant d'apprendre la science. Al-Sabr, qu'a Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil-haq, wa tawasaw bil-sabr. Et ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire da'wah qui prêche, et ceux qui s'enjoignent mutuellement la patience et l'endurance. Wa qala an-nabi alayhi salatu wa salam, al-ajatu min ash-shaytan. Il a mentionné le Nabi alayhi salatu wa salam, la précipitation vient de qui? Du diable. Le fait de te précipiter pour apprendre. Tu es pressé d'apprendre. Tu es rempli d'idées. Saf'alu kaza wa saf'alu saf'alu at-taswif. Je vais faire. Et au bout du compte, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Je vais apprendre 12 amas en un mois. Je vais le faire, inchallah. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je vais lire tel livre. Je vais prendre un livre fil aqida, un livre fil fiqh, un livre là-dedans. Qu'est-ce que tu as fait à la fin? Tu n'as rien fait. On est rempli de projets comme ça. Et on voit bien qu'à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Ou alors même pas un dixième de ce qu'on avait dit. Le plus important, c'est d'être régulier. Même si tu fais un petit peu, c'est d'être régulier. Le Nabi alayhi salatu wa salam a beaucoup insisté sur le fait d'être régulier, même si c'est petit. Lire une page de Coran par jour, c'est mieux que de lire 10 pages en un jour et de ne plus jamais lire. Et ne tombe pas dans le piège que Shaitan il va te waswas, ou il va te dire, mais aujourd'hui tu peux lire plus d'une page. Vas-y, lis plus d'une page. Toi tu vas croire, ah ben mashallah, c'est vrai, ça peut être que des hasanat. Tu vas lire, mais ta meuf, ça ne va pas supporter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris le rythme de lire au moins une page par jour. Je dis une page, mais certains ne peuvent lire qu'un verset par jour. Merlich, c'est pas grave. Nafsi, nafsi, chacun pour soi, chacun il a son rythme. Celui qui peut lire un verset par jour, il est un verset par jour. Alhamdulillah, c'est régulier. Au moins, pendant un an, il aura lu un verset par jour. Plutôt que de lire, il va lire une page, pour lui, ce sera trop lourd en vérité. Et il va arrêter au bout de 4-5 jours. Lis, iqra, lis ou étudie selon ta mesure, selon ce que tu peux. Et prends quelque chose de léger au début, puis petit à petit, si tu vois qu'au bout d'un laps de temps, par exemple au bout d'un mois, tu as tenu, alhamdulillah, ton engagement, alors tu peux faire un peu plus. Et cela, petit à petit. Donc de patienter. Une autre chose dans le comportement de celui qui étudie, ihtiram al-ulama, c'est de rendre le respect, le très grand respect aux savants, l'ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi l'ulama. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Al-malaika, les anges baissent leurs ailes devant les savants, devant ceux qui apprennent la science, par humilité. Al-malaika, subhanallah. Des créatures qui ne peuvent même pas désobéir. Des créatures qui sont tout le temps dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Des créatures qui font des du'as, des invocations pour les croyants, baissent leurs ailes par humilité devant l'étudiant en science et devant l'ulama. Nul ne craint Allah plus qu'un savant dans cette terre. Les créatures des cieux, de la terre et de la mer, jusqu'à même le poisson dans l'eau, fait des invocations pour le savant. Subhanallah. Mais on ne peut comprendre ces choses-là. Font des du'as, des invocations, ils demandent le pardon pour les ulama, pour les savants. Et un tel qui se balade comme ça, il vient et trouve le moyen d'insulter l'ulama, de faire de la médisance sur les ulama. Celui qui médit sur l'ulama, c'est pas comme s'il médit sur l'un d'entre nous. Qala Ibn Abbas radiallahu anhuma, lahmu l'ulama masmouma. La chair des savants est empoisonnée. Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné que tout le monde connaît ce verset sur la médisance. Le fait de médire sur ton frère, ça revient à manger la chair de ton frère mort, même pas vivant, mort. Premièrement, c'est quoi la médisance? C'est de parler sur ton frère d'une chose qu'il déteste. Ça, c'est quand il n'est pas là. S'il est là, c'est encore pire, c'est de l'insulte d'une chose qu'il déteste. Lorsque tu parles sur un savant, tu es en train de diviser la communauté de ce savant. Tu es en train de mettre un mur entre le savant qui est là pour guider la communauté et tout le reste de la communauté. Voilà ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi la chair des savants elle est empoisonnée. C'est pire que si tu parles sur quelqu'un d'autre. Si quelqu'un il parle sur moi ou sur toi ou sur un autre, le mal il est que sur nous. Il n'y a pas de grandes conséquences. Les conséquences elles retombent sur nous. Mais un savant, c'est toute la communauté qui va commencer à douter sur lui. Pourquoi? Parce que tu te plais à parler sur lui, à médire sur lui, à parler mal sur un savant, à le rabaisser, alors qu'eux-mêmes ne cherchent même pas à être élevés. Une fois, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimallah, avant une assise, il y a quelqu'un qui lui fait les éloges, dans l'introduction, il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, Fadilatu Cheikh Al-Uthaymeen, من كبار العلماء وكذا وكذا وكذا وقال الشيخ يكفي يكفي il lui fait toutes les éloges, le grand savant Cheikh Al-Uthaymeen كذا وكذا, Cheikh lui dit ça suffit. La personne elle dit, mais Cheikh, les gens ils veulent vous connaître. Il a dit yakfi, ça suffit. Cherche pas à être élevé. Cheikh Al-Albani l'a dit à un autre, rahmallah, écoute-moi, tu vas pas plus m'élever qu'Allah va m'élever, comme tu vas pas plus me rabaisser qu'Allah va me rabaisser. خلاص تودع, l'humilité. et on y reviendra inshallah ta'ala. At-tamassuk bil kitab wa sunnah. Une règle très importante pour celui qui étudie, c'est d'être accroché fermement au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Wa qala Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, la falah, écoute bien cette parole, pas de réussite li talib al-ilm, pour un étudiant en sciences religieuses, in lam yabda bi usul al-din. Bi usul al-din. Il n'y a pas de réussite pour un étudiant s'il n'a pas commencé par les règles bi usul al-ilm, par les règles de la science, par les règles fondamentales, par les sources, les bases de la science, qui sont al-kitab, al-Qur'an wa al-sunnah. La majorité d'entre nous, on veut étudier شرع كتاب التوحيد شرع الوسيطية العقيدة التحوية إلى آخره. Le livre qui mérite le plus d'avoir une explication, c'est le Coran, كتاب الله عز وجل. كلام الله سبحانه وتعالى. On n'a pas pris conscience que c'est bien la parole d'Allah سبحانه وتعالى. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est pas quelqu'un qui est venu comme ça qui a ramené ça. Non. كلام الله عز وجل. Un livre qui a été révélé et descendu à la Nabi alayhi salatu wa salam, venant d'Allah, kalam Allah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui mérite le plus d'avoir l'intention, l'attention et de comprendre le mieux cette parole, si ce n'est le Coran? Harfun min kitabillahi azza wa jal afdalu min kalam al-nas min adam alayhi salatu wa salam hatta taqum al-hujjah, hatta taqum al-sa'a. La une lettre du livre d'Allah, alif, ba, ta, fa, ila, khairi, jusqu'à la fin, alif, une lettre du livre d'Allah est meilleure que la parole des gens réunis depuis Adam, alayhi salatu wa salam, de toutes les créatures d'Allah jusqu'à ce que l'heure n'arrive. Une lettre du livre d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les ulama te disent de lire le Coran, c'est de le lire en le comprenant, en allant regarder fit tafasir. Alhamdulillah, l'Ersidati vous a mentionné les livres par lesquels il faut commencer. Lis ce que tu comprends, ne va pas lire des choses que tu ne comprends pas, subhanallah. Ne va pas lire des livres que tu ne comprends pas. Celui qui ne connaît pas l'arabe, c'est pas la peine de prendre un livre, il lit au début, il le connaît par cœur. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu. Amma ba'd. Je ne sais pas lire la suite. Pourquoi tu vas lire des livres en arabe si tu n'as pas l'arabe, subhanallah. Apprends. Concentre-toi sur l'arabe et le Coran. Tu veux lire le Coran il est en arabe. Tu veux lire la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, elle est en arabe. Tu veux lire les livres des ulama, ils sont en arabe. Tu veux écouter les cassettes des ulama, elles sont en arabe. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps là, là, là, là et là, et les bases, tu ne les regardes pas, tu ne les étudies pas. Et la base de tout, le miftah, la clé de tout, qui est l'arabe. Au moins les bases dans l'arabe, de quoi pouvoir ouvrir un livre et lire et apprendre. Et bien sûr de vérifier si tu as bien compris. Il faut bien comprendre une chose, lorsque tu lis, qui est là pour te dire que tu as bien compris? Qui est là pour te dire que tu as bien compris? Personne. Tu te dois de vérifier ce que tu lis. Donc d'apprendre le Coran, wat-tilawa wal-fahm wal-lam. Apprendre le Coran, lire le Coran et comprendre le Coran et appliquer le Coran. Quant à la sunna, hifz as-sunna, apprendre la sunna, elle s'apprend par, elle se protège, la préserver cette sunna, elle se protège de, en deux formes. Il y a apprendre la sunna, c'est-à-dire nusus, les textes, par cœur. Quelqu'un apprend Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, etc., etc. D'autres vont préserver la sunna en faisant Rabb al-Muttadi', en faisant la correction et en rejetant ce que les innovateurs ont ramené, et en les corrigeant. Ils préservent la sunna. Les deux manières de préserver la sunna, c'est ça. Il y a ceux qui apprennent les textes par cœur, donc qui préservent la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, al-hadith, et il y a ceux qui vont combattre le mubtadi' bil-ilm, bil-dalil, avec les preuves tirées du Coran, de la sunna, une bonne compréhension, et donc ils vont contrer les gens de l'innovation. Ceux-là aussi, ils préservent la sunna, ils gardent la sunna. Une autre chose, c'est que tu te dois de te renseigner et de confirmer les choses. Le khabar, lorsqu'une information te vient, tu dois savoir qui t'a ramené cette information. Combien de choses elles tournent sur internet? Les gens ils reçoivent des hadiths, tu ne sais même pas d'où ça vient. Comme dernièrement un hadith qui tourne beaucoup sur internet, comme quoi il serait mentionné que Jibril serait venu au prophète sallam d'une couleur qu'il n'a jamais vue, etc. etc. Le hadith Maudou'a, qu'a la Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani mentionne ce hadith, il l'a inventé. Combien de hadiths circulent comme ça? Des gens qui ramènent des khabar, une information, qui, premièrement, il faut regarder qui te ramène l'information. Est-ce qu'il est digne de. Est-ce qu'il est véridique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est digne de confiance? Ou bien est-ce que c'est un menteur? Ou bien est-ce que c'est un fâtir? Deuxièmement, c'est quoi l'information qui t'a ramené? Est-ce qu'elle a été vérifiée? La règle veut que lorsque quelqu'un est digne de confiance et qu'il est véridique et qu'il nous ramène une information, on accepte cette information. Lorsque c'est un menteur, il n'y a pas de doute. Mardoud, son information elle est rejetée. Pourquoi? Parce qu'il est connu pour être menteur. Quant au fâtir, un fâtir, on le rappelle, c'est quelqu'un qui est fil kabair, dans les grands péchés, mais qui ne se repent pas. Ça peut être aussi, comme l'a mentionné Cheikh Al-Azimi, rahmallah, quelqu'un qui est dans un petit péché, mais qui insiste sur ce petit péché. Il insiste sur ce petit péché. C'est ça un fâtir. Lui, lorsque son information elle arrive, il va falloir la vérifier. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. Lorsqu'un fasiq, un pervers vous amène, vous informe d'une information, vérifiez-la. Quelqu'un t'a ramené un rôle de Cheikh Foulen, vérifie. Dis-moi c'est dans quelle cassette qu'on aille vérifier. Dis-moi c'est dans quel livre. Ce n'est pas pour attaquer ou pour se défendre. Non. C'est pour s'entrer, vérifier, pour être sûr que notre science elle est basée sur de la certitude. Une autre chose, c'est de bien comprendre comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu comprennes et que son prophète alayhi salat wa salam a voulu que tu comprennes. Faire une erreur dans la compréhension, ce n'est pas comme faire une erreur par ignorance. Faire une erreur dans la compréhension, c'est pire. Pourquoi ? Celui qui se trompe dans la compréhension, il est persuadé que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu lui faire comprendre, alors que c'est une erreur. Donc pour lui, en vérité, il croit que c'est le haq, et en vérité, il a mal compris. Et cette erreur, en vérité, elle vient de lui. Mais lui, il croit que cette chose-là est une vérité qui vient d'Allah et de son prophète alayhi salatu wa sallam. Alors que celui qui s'est trompé, mais par ignorance, il n'a pas comme source Allah par Rasoul, alayhi salatu wa salam. Il manque une source. Il te dit, jahil, moi je suis un ignorant, moi j'ai pensé comme ça, c'était bien, j'ai fait comme ça. Mais lui au moins, il s'est trompé, mais il est ignorant. Ce n'est pas comme celui qui s'est trompé, mais parce qu'il a mal compris des textes religieux. Tu dois tout faire pour être sûr que tu es sur une bonne compréhension. Ittiba' salaf, bifam salaf. Quand tu dis que tu es sur la droiture, sur le chemin des pieux prédécesseurs, sur leur compréhension, cela veut dire que tu comprends comme eux. Et que tu te dois de comprendre comme eux. Mais maintenant, si tu ramènes des choses comme ça, et tu dis ça, ou tu dis aux gens, ça c'est le haq, comment ça se passe? Tu es en train de te dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a permis ça ou il a interdit ça, alors qu'en vérité, c'est même pas vrai. T'es en train de dire, Allah il veut que vous compreniez comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut que vous compreniez comme ça, alors que c'est même pas vrai. Voilà pourquoi, inshallah, on va ramener quelques. C'est une liste de recommandations que Cheikh Al-Azimi rahmallah a donné pour pouvoir étudier convenablement. Tout ce que je viens de dire là, vous le retrouverez pour ceux qui sont arabophones, ou arabisants, je ne sais pas, dans Kitab al-Ilm de Cheikh Al-Azimi rahmallah. Kitab al-Ilm. Le livre de la science de Cheikh Al-Uthaymeen. Tout ce qui est dit là, Inch'Allah, il est là-dedans. S'il y a eu des erreurs, Inch'Allah, vous ne ferez pas venir les erreurs qui ont été commises, Inch'Allah, afin que je me corrige. Barakallahu fikoum. L'une des recommandations qu'il a dit, c'est quoi? Dans les textes, des textes courts et petits, مختصر المتون, des textes comme Usul Thalatha par exemple, des textes qui sont courts. Celui qui va apprendre par cœur des textes, qu'il prenne des textes courts, qu'il commence par ces textes-là. Hein? Des petites risalat, ce sont des petits textes que les ulama ont écrits, et qui sont courts, et cela te suffit pour l'instant. De prendre l'explication des savants, shuruh, hein? Par exemple, si tu prends usul thalatha, les trois bases, et pour rappeler une chose, lorsque les ulama ils vous disent, on entend dans les cassettes, ils disent vous tabda bi usul thalatha, tu commences par usul thalatha, les trois bases et leurs sources. Ensuite ils te disent bi kitab tawhid, shar kitab tawhid, etc., etc. Ils s'adressent à qui? À qui? À des gens qui ont l'arabe. Les élèves qui sont devant eux sont des élèves qui ont l'arabe. Alors tu vois certains qui se précipitent dans usul thalatha, ta ta ta ta ta ta. Alhamdulillah. Mais apprends l'arabe, subhanallah. Tu vas comprendre des choses en arabe que tu ne pourras jamais comprendre en français. Tu vas changer des choses dans ta vie et dans ton cœur, comme on va le voir juste après. Tu vas changer ta vie à cause d'une chose que tu as appris en arabe que jamais en français tu n'aurais pu l'apprendre. Jamais tu aurais changé ta vie à cause de cette chose-là si tu ne l'avais pas entendue en arabe. Ne pas prendre des ouvrages trop longs. Ne va pas t'éterniser avec des ouvrages qui sont très longs et que tu ne finiras jamais. Au début, tu es motivé, le livre, mashallah, il fait 500 pages. Tu es motivé, tu lis, première page, deuxième page, et tu vas voir que le temps passe. C'est ce qu'on appelle tafsir, comme on a dit tout à l'heure. Je vais faire, mais tu vois bien qu'à la fin, il n'y a rien du tout. Ne pas lire des livres, plein de livres en même temps. Lis un livre, finis-le. Attaque un autre livre, finis-le. Prends un autre livre, finis-le. Et ne lis pas 15 livres en même temps. Bien sûr, il y a des livres qui se lisent du début jusqu'à la fin. Il y a d'autres livres qui sont faits pour la recherche. Il y a des livres qui sont faits pour la recherche. Il n'y a pas de mal à avoir un tafsir. Tafsir Sa'adi, par exemple, rahimallah. Cheikh Sa'adi, rahimallah. Afin de rechercher quelquefois, voilà, tu as lu un verset. Tiens, c'est quoi l'explication? Je vais chercher dans le tafsir. Ce sont des livres de recherche. Ça, les ulama, ils l'ont lu depuis bien longtemps. Ils le lisent tout entier. Et les autres tafsirs aussi. Ça, c'est les ulama. C'est leur fonction. Toi, juste pour chercher, tu as des livres qui sont faits pour la recherche, tu as des livres qui sont faits pour la lecture. D'autres recommandations qu'il a données, dès que tu as appris une faïda, écris-la. Taktoub. L'imam Shafi'i, rahmallah, lorsqu'il était petit, il a étudié avec l'imam Malik. L'imam Shafi'i, rahmallah, l'imam Malik, il le voyait toujours faire ça. Pour ceux qui ne voient pas, c'est que c'est comme s'il écrivait sur sa main. Alors il l'a fait venir à la fin, parce qu'il était jeune. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, jouer avec tes mains? Je ne sais pas ce que tu fais avec tes mains. Il lui a dit, j'écris, ça m'aide à retenir. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas en train d'écrire avec une plume, il fait semblant d'écrire pour apprendre. Et il est connu que l'imam Shafi'i, pour lire un livre, il était obligé de cacher la page, de peur de mettre l'œil dessus et de l'apprendre par cœur en un coup. Subhanallah. Uktub. Écris, subhanallah. Écris. As-salaf, comment ils ont appris? Ils ont écrit. Certains retenaient par cœur. Si tu es au niveau que tu peux tout retenir par cœur, alhamdulillah, c'est bien, remercie Allah Azza wa Jal. Si tu n'es pas au niveau d'apprendre tout par cœur en écoutant une seule fois, alors écris. C'est en écrivant que tu vas retenir. Et comme il a dit Charles Al-Thémine, combien on voit beaucoup de gens, il entend une faïda, il ne l'a pas écrit, il se dit, mais c'est bon, elle est facile, je vais la retenir. Tu l'interroges une semaine après, il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. Écris. Les salaf, ils apprenaient la science en écrivant. C'est ça le djihad al-nafs, te combattre toi-même. Bien sûr que ta nafs, elle ne veut pas écrire. Tu écoutes la cassette d'un savant, écris. Tu prends un cahier, tu notes. Apprends à prendre des notes. On n'écrit pas tout quand on prend des notes. On écrit al-fawa'id, ce que tu as connu de nouveau, ce qui peut te faire avancer, ce qui te regarde. Ne pas hésiter à demander à quelqu'un de te faire réviser et d'apprendre ensemble. Il n'y a aucun mal, subhanallah. Beaucoup ont honte de dire à un autre, est-ce que tu peux me faire réviser le Coran? Voilà, je connais de là à là. Même si un il connaît, il n'ose pas demander à l'autre, il dit, mais va se moquer de moi, je connais qu'il wallah wahad, je vais juste le réviser, il va rigoler sur moi. Subhanallah. T'as le Coran entre les mains et tu rigoles sur ton frère? Alors prends le Coran et lis-le toi. Iqra. Parce que tu n'as pas compris ce qui est écrit dedans. Même si c'est très peu, tu veux que ton frère te fasse réviser, alhamdulillah. Chacun il doit aider l'autre. Ça c'est le ma'rouf, c'est le bien. L'amrou mil ma'rouf. Vous êtes la meilleure des communautés parce que vous ordonnez le bien. Vous vous entraidez les uns les autres. Faites-vous réviser les uns les autres. Tiens, j'ai assisté à un cours. Moi je te ramène mes fawaïd et toi tu me ramènes tes fawaïd que tu as appris dans le cours. Et vous vous partagez. Ah mashallah, ça c'est bien, attends, je vais le noter. Et vous voyez que vous allez vous resserrer vos rangs et vos cœurs. C'est ça le salaf, comment il faisait le salaf. C'est comme ça qu'il faisait le salaf. Se partager l'ilm. Qu'est-ce que tu as appris? Ben moi j'ai appris ça, j'ai appris ça. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu ne pouvait pas aller tous les jours chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils avaient des fonctions, ils travaillaient, ils avaient ceci, ils avaient des fonctions, ils avaient cela. Alors lui, il partageait avec son voisin. Toi, tu y vas tel jour, moi, j'y vais tel jour. Quand on vient le soir, tu me dis qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et moi, demain, je te dis qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'entraidaient. Tu suis salaf, pourquoi tu fais pas comme eux? Faut s'entraider. Tiens, il a ramené tel faïda, mashallah. Le mieux, comme il a mentionné, rahimallah, c'est d'apprendre avec un shir, avec un professeur, et le mieux avec un savant. Car le savant éduque son élève, il le guide. Et lorsqu'il y a un khilaf, il y a une divergence dans le mas'ala, le savant il va lui dire, voilà, tel ulama ils ont dit ça, l'ulama ils ont dit ça, radi Allahu alam, ce qui ressort le plus dans le mas'ala, dans la question religieuse, ben moi je dis que c'est ça. Il va t'éclaircir les choses, il va t'aider, il va t'éduquer. Un savant il éduque toujours ses élèves, il est là pour les éduquer. Lorsque quelquefois tu vas voir qu'un tel il est très dur avec ses élèves, ne t'inquiète pas, il les connaît. Lorsqu'un il arrive en retard, il lui dit « Barra, dehors, tu reviendras demain. » Ça paraît dur comme ça. C'est pour l'éduquer, il faut qu'il soit à l'heure. Il n'est pas venu pour s'amuser, il est venu pour étudier. Quelquefois, les ulama, ils ont été comme ça avec leurs élèves. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ils sont en train de les éduquer. Il est en train de lui casser sa nefs. Sa nefs là qu'il ne veut rien faire, qu'il ne veut pas étudier, qu'il ne veut pas lire, qui veut pas aller à la mosquée, qui veut rien faire, il est en train de lui briser, il l'aide à briser ça, à enlever tout ce qui est mauvais en lui. Tarbiya. Le Nabi alayhi salat wa salam a éduqué ses compagnons. Et ça, les ulama savent faire la part des choses quand il faut agir avec dureté ou bien quand il faut agir avec douceur. Allah azza wa jalla a créé les gens différemment. Il y a des gens qui ont besoin de dureté, parce qu'avec la douceur, ils ne comprennent pas. Et eux-mêmes le diront. Moi, si on n'est pas dur avec moi, je comprends rien. C'est comme ça. J'ai été élevé comme ça. Il a été élevé dur. C'est quand on est dur avec lui qu'il comprend. Quand Nabi alayhi salatu wassalam, il prend la bague en or, il l'enlève au doigt du compagnon, il la jette. Toi, tu viens de je ne sais où, tu vas voir ça, subhanallah. Tu vas même dire, mais Nabi sallallahu alayhi, il n'aurait jamais fait ça. Hein? C'est le prophète sallallahu alayhi qui l'a fait. Mais il sait pourquoi il le fait, il sait qui c'est qu'il est en face de lui. Alhamdulillah, le compagnon, il a tout de suite compris. Jamais je vais aller récupérer cette bague que le prophète lui-même a jetée. Bien sûr, il le sait. À toi de savoir avec la personne, est-ce qu'il faut être dur ou bien est-ce qu'il faut être doux. Il y a des gens qui ne comprennent qu'avec la douceur. Combien on voit de gens, l'autre il crie sur l'autre, tu lui dis, mais pourquoi tu lui cries-tu, subhanallah? Je lui crie-tu parce qu'il ne comprend rien. Parce que tu crois que c'est en criant qu'il va comprendre. Tu crois que c'est en lui craignant ça qu'il va accepter? Non. C'est quelqu'un qui accepte avec douceur, bil hikma, avec sagesse. Et bien, le hikma, c'est ça la sagesse. C'est la bonne action et la bonne parole au bon moment. La bonne action et la bonne parole au bon moment. Je continue, Inch'Allah, parce que le temps passe. Lorsque tu es avec le savant, le bienfait que tu as, c'est qu'il te corrige. Lorsque tu lis tout seul, premièrement, rien ne te dit que tu as compris convenablement. Deuxièmement, il n'y a personne pour te corriger. Donc à toi d'aller voir les plus savants et de leur demander, voilà, j'ai lu ça dans tel livre, j'ai cru comprendre ça, est-ce que c'est correct? Et le shir te dira, est-ce que c'est bon ou pas? Souhel, tu te dois de poser des questions lorsque tu ne sais pas et lorsque c'est nécessaire. Fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. La ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, Allah a dit, Azza wa Jalla a dit, si ne savais pas. Si tu sais, pourquoi est-ce que tu poses la question, subhanallah? Si tu sais, pourquoi est-ce que tu vas poser la question? Le seul moyen où il est bien de poser une question lorsque l'on sait, c'est pour faire profiter aux autres. Comme l'a fait Jibril alayhi salatu wa salam dans le hadith ma'ruf Umm Sunnah, le hadith qu'on appelle Umm Sunnah parce qu'il comporte toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Jibril alayhi salatu wa salam a posé des questions au prophète alayhi salatu wa salam, et à la fin il leur a bien mentionné, il est venu vous apprendre votre religion. Donc il a posé des questions pour faire profiter les sahaba radhiyallahu anhum, pour apprendre les sahaba par la langue du prophète alayhi salatu wa salam. Dans ce cas-là, c'est permis. Ou bien de poser une question qui ne te regarde pas, mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui en a la nécessité. Donc pour l'aider, il ne s'est pas posé la question, tu vas l'aider à poser la question toi. Alors là, tu poses une question qui est convenable. Mais si tu connais la réponse, il n'y a pas lieu de poser la question, alors ne pose pas la question. C'est ce qu'il a mentionné, Cheikh Al-Uthaymeen, rahmallah, il dit, c'est ça la différence entre salaf et nous. Les salaf, radiallahu anhum, eux, ils posent la question à un savant, ou au prophète, alayhi salatu wassalam, pour pouvoir appliquer immédiatement cette science, parce que ça les concerne. Aujourd'hui, nous posons beaucoup de questions aux savants, mais juste pour savoir quoi ? Le hukm. Quelle est la règle dans telle chose et telle chose ? Juste pour savoir en vérité, alors qu'on n'est pas concerné. Non. Il a bien insisté, rahimallah, sur le fait de poser les questions qui te concernent. Ce qui ne te concerne pas, ne le pose pas. Il a même été plus loin lorsqu'il a fait le char du hadith du prophète, où il a mentionné le musulman ne se mêle de ce qui le regarde. Parmi les bienfaits de l'islam, un islam parfait, complet, c'est que tu te mêles de ce qui te regarde. Ce qui te regarde, dans le dunya ou dans le din, ou fi din. Dans le dunya, mêle-toi de ce qui te regarde. Arrête de poser des questions. T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Tu reviens d'où? T'étais avec qui? Ces questions, ça ne se passe, subhanallah. Peut-être quelqu'un, le frère, il est en train de faire quelque chose, il veut que ce soit secret, tu vas l'obliger à mentir, parce qu'il ne veut pas le dire. Alors il est obligé de ruser, il est mal à l'aise, etc. Ça se trouve, il a fait une marcia. Tu faisais quoi, là? Subhanallah, il va le dire, c'est le qalbé, dans son cœur. J'étais en train de faire une marcia, il me demande qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Non, rien. C'est du mensonge. Tu l'obliges à mentir, c'est toi qui lui sors. Comme on dit, les vers du nez. Pourquoi est-ce que tu poses des questions qui ne te regardent pas? Hein, tu déménages, je dis, c'est comment chez toi maintenant? Mais subhanallah. Non, ne pose pas ces questions. Ça, c'est dans le dunya. Et bien, dans le din, c'est pareil. Ne pose pas des questions qui ne te regardent pas. N'apprends pas des choses qui ne te regardent pas. Tu n'es même pas marié, tu demandes les règles dans le divorce. Ça commence bien. Subhanallah. Tu es marié, non? Tu poses la question pour quelqu'un qui est marié? Non, c'est juste pour savoir. Mais subhanallah. Tu fais la prière, toi? Ouais, un petit peu, alhamdoulilah. Je me débrouille. Va apprendre salat. Pose des questions sur salat. La majorité des questions qui sont posées, c'est des questions qui demandent le fatwa. Les fatwa, le fatwa, c'est l'ulama qui les donne. Personne d'autre. Il est là le danger. Quand on a parlé de l'ikhlas ou l'illahi azza wa jalla, d'être sincère avec Allah, il se peut que la personne, elle ait des ailes toute seule. Elle monte toute seule. Elle croit qu'elle a atteint un niveau. Mais quelquefois, il se peut que ce soit la faute des gens qui l'ont trop élevé, qui sont la cause pour l'avoir trop élevé. Tu dois faire preuve d'humilité. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma'ruf, min kibar sahaba, min kibar ulama, il s'est retourné vers les gens qui l'ont suivi, il leur a dit quoi? Si vous saviez mes péchés, vous ne seriez pas derrière mes talons. Pourquoi? Parce qu'il est connu que les gens vont derrière les gens de science, toujours derrière eux, pour leur demander des questions. Qu'est-ce qu'il leur a sorti? Alors qu'on connaît ses mérites, subhanallah. Si vous connaissiez mes péchés, vous ne serez pas derrière moi, derrière mes talons. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, قال اللهم اجعلني افضل من يظن. Il a dit, lorsqu'il a entendu des éloges de lui, mon Seigneur, fais que je sois mieux que ce qu'il pense. شوف التوادع, l'humilité, subhanallah. Le Nabi alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il tire la langue aux enfants, il joue avec les enfants, il prend un compagnon et lui cache ses yeux par derrière pour rigoler avec lui. Il fait la course avec Aïcha radhiyallahu anha. Mais il est le messager d'Allah. Et pourtant cela ne l'empêche pas d'être humble. Lorsqu'il voyait un plus vieux que lui, il s'asseyait avec lui, il discutait avec lui. Tu n'as besoin de rien, qu'est-ce qu'il te faut, etc., etc. Un bédouin qui rentre dans la mosquée, qui le prend par son khamis, par le col. Qu'est-ce qu'il fait le Nabi alayhi salatu salam? Il rit. Aïcha radhiyallahu anha, elle s'énerve. Qu'est-ce qu'il fait le Nabi alayhi salatu salam? Il sourit. Et que la femme ne dise pas à son mari, mais tu te moques de moi ou... Là. Bien sûr, il connaît. Chacun connaît son épouse. Chacun connaît ahwal nas. Il sait ce qu'il doit faire par rapport à ce qu'il a devant lui. Par rapport aux gens qu'il a devant lui. L'état des gens qui sont devant lui. Bien écouter la réponse et ne pas avoir honte de dire je n'ai pas compris. Beaucoup appellent l'ulama ou al-mashaïr. Alors il écoute la réponse. Il a compris que la moitié de la réponse. Il dit barakallahu fikum ya shir, hafidakum Allah, et raccroche. Alors la réponse. Tous les frères sont derrière lui. Alors la réponse. Ben, je crois Allah, il a dit ça. Mais subhanallah. Pourquoi tu ne lui as pas dit j'ai pas compris? C'est simple. Ma fahimtu. Je n'ai pas compris. Et même quelquefois, ce sont eux, les mashaïrs, qui te disent est-ce que tu as bien compris? Non, n'aie pas honte de dire je n'ai pas compris. Il n'y a aucun mal. Je n'ai pas compris, tout simplement. Il n'y a aucun mal, et Cheikh il a beaucoup insisté là-dessus, de répéter, de demander au savant avec qui tu apprends, celui que tu apprends, voilà, j'ai pas compris telle question, est-ce qu'on peut la revoir? Al-hasad, la jalousie, détester la jalousie. Il a mentionné, Cheikh Al-Athimi, rahmallah, il a dit, je n'ai jamais vu autant de jalousie que entre étudiants en sciences religieuses. Pourquoi? Chaque étudiant, il veut se rapprocher de son cheikh. Toi, tu es assis comme ça, tu prends des notes, le cheikh pose une question, tu cherches la réponse, et l'autre, il l'a dit avant toi. Et après, tu le regardes comme ça. Avec tes yeux, l'aïn. Là, subhanallah, sois content pour lui, subhanallah. Il a mentionné, si tu ressens ce genre de choses, demande dans le dua, Allahumma zidhu ilma, wa zidni aktharu minhu. Mon Seigneur, augmente-lui la science, mais augmente-moi plus que lui. Mais sache que c'est une responsabilité, parce qu'il va falloir appliquer cette science. Une autre chose, ne sois pas jaloux du plus jeune que toi, le plus petit que toi. Il a 10 ans, mais il répond à toutes les questions. T'as 30 ans et tu réponds à aucune question. Alhamdulillah. Un jeune peut t'apprendre beaucoup de choses. Subhanallah, un jeune peut t'apprendre beaucoup de choses. S'il est plus savant que toi, il est plus savant que toi. Ne va pas sous-estimer, comme on dit, les petits jeunes. Malgré que nous, on est jeunes. Et considérer un jeune dans l'islam, hein, comme il a mentionné Cheikh Al-Uthaymeen, fi Shahr Riyad Salihin, entre 15 et 30 ans. Celui qui a 15 et 30 ans, il est jeune. Ensuite, il devient un rajul, un homme, Inch'Allah. S'il y a des plus petits qui sont plus savants, il peut te ramener le faïd. Et là, aujourd'hui, on voit un jeune, il parle. Tout le monde lui fait sourire. Oui, Mashallah. Allez, roh. Va faire un tour. Subhanallah. Ou des gens qui ne sont pas connus. Des gens qui ne sont pas connus, et tant mieux pour eux. Et c'est ce que souhaitaient tous les savants, subhanallah. Mais Allah Azza wa Jalla les a tellement élevés que les gens les connaissent. Des gens qui ne sont pas connus, on n'accepte pas leurs paroles. Alors qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus proches. Et ça, le Nabi alayhi salatu wa sallam l'a mentionné. Il y a des gens qu'on n'accepte ni l'intercession, ni le témoignage. Alors que ces gens-là sont les plus proches d'Allah. Pourquoi? Ce sont des gens humbles. Ils n'ont pas cherché à se faire connaître. Ils n'ont jamais cherché à se faire connaître. Ce n'est pas pour rien si Cheikh Al-Albani, rahmallah, est mentionné, ne pense jamais le bien de toi. Pourquoi? Parce que tu vas couper ta nefs pour ne pas avoir l'ostentation. Ne pense jamais le bien de toi. Bien sûr, tu as le droit d'être fier d'une chose. Par exemple, c'est dur pour toi de faire salat tarawih, et alhamdoulilah, tu as tenu toutes les rak'at jusqu'à la fin. Alhamdulillah, tu es quand même fier d'avoir fait tarawih. Ça, il n'y a pas de mal là-dessus. Mais être content de soi, tu vas te donner des éloges. Comme ils ont mentionné les pieux prédécesseurs, cache tes bonnes actions comme tu aimes cacher tes péchés. Cache tes bonnes actions comme tu aimes cacher tes péchés. Lequel d'entre nous ne va pas avoir honte si on le trouve en flagrant délit, en plein péché comme ça? Et comme l'a mentionné Ibn Abbas, tu as honte devant les gens, mais tu n'as pas honte devant les deux anges qui étaient avec toi et qui ont écrit. L'ange de gauche qui écrit les mauvaises actions. Donc de délaisser la jalousie. Il y a l'une des choses pour finir, Inch'Allah, c'est que le temps il est serré. Shaitan, Shaitan va te whisper sur une chose. Il va te dire, tu commets les péchés, al-mahsiya, et tu étudies. En vérité, tout ce que tu es en train d'étudier, ça ne sert à rien. Si on regarde bien, c'est pas moi qui dis, hein. C'est Shaitan qui whisper, qui te donne ce whisper. Qui te dit, mais si on regarde bien, tu vas au Doros, tu écoutes les cassettes des ulama, tu lis des livres, etc., et tu fais toujours les mêmes péchés. Ça ne sert à rien du tout. Tu n'as pas avancé. Le Cheikh Al-Azimi, un élève, il lui a posé la question. Il lui dit, je vais filmer Madialis avec l'ulama. J'apprends avec l'ulama, écoute des cassettes, etc. Tarab al-ilm, mashallah. Vrai tarab al-ilm. Parce qu'il est là-bas, il ne fait que ça. Mais comme on a dit, 9 si 9 si, chacun il se connaît, chacun il avance comme il peut. Chacun il apprend comme il peut. Il lui a dit, mais, ana fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Mais je suis dans la désobéissance à Allah, et donc je me dis en vérité que cette science que j'apprends, elle ne me sert à rien, parce que je n'arrive pas à arrêter. Regarde comment il lui a répondu, rahimahullah ta'ala. Pour ça, l'ulama, ils te guident, ils te font du nettoyage. Il lui a répondu, le fait de faire des péchés n'est pas une excuse valable pour arrêter d'apprendre. Depuis quand le fait de faire des péchés, c'est une excuse valable pour arrêter l'ibada? Là, c'est avec Tarab al-Ain. Il y en a, ils disent, mais regarde tous les péchés que je fais la prière. Alors, ça sert à rien, autant que j'arrête la prière. Subhanallah. Hala min shaytan. Min waswas shaytan. Tu commets des péchés, tatouba ilallah azza wa jal. Tu fais tawba. Tu fais toujours le même péché, réfléchis. Subhanallah. Si tu fais toujours le même péché, c'est que tu t'approches toujours des causes pour tomber dans le même péché. مثلا الدخان لا سيجاريت certains ont du mal à arrêter ça حرام بلا شك comment tu vas faire pour arrêter ça ne va pas vers les lieux où il y a la cigarette ne traîne pas avec des gens qui fument etc etc chacun connaît le péché sur lequel il a l'habitude d'insister combat à neuf l'un des moyens que les salafs ont trouvé il y a un parmi les salafs qui a trouvé le moyen en disant il était parmi les pieux prédécesseurs, donc on sait leur niveau de piété. Il a mentionné, je faisais de la médisance. J'ai donc fait un pacte avec Allah, qu'à chaque fois que je commettrai la médisance, je vais jeûner un jour. Et il m'arrivait de tomber dans la médisance. Alors il médisait, et il jeûnait un jour. Et il a vu en vérité que jeûner pour lui, ça n'a aucune difficulté. J'ai fait un autre pacte avec Allah, pour aller plus loin. Il a dit quoi? J'ai fait le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala de donner un dirham, c'est de l'or. De donner de l'or à chaque fois, une quantité d'or à chaque fois que j'ai fait la médisance. Et par amour pour l'or, j'ai arrêté. Sa nefs, elle aime cet or-là. Mais comme sa nefs aussi, elle aime médire. Eh bien, il a enlevé, il s'est servi de ce que sa nefs s'est attachée pour enlever quelque chose qui est mauvais de sa nefs. Donc toi, si tu es dans le péché, ça c'est un exemple chez Salaf, comment il combattait, il mettait des stratégies pour combattre sa nefs, pour se combattre soi-même. Regarde ce qu'il a mentionné. Toi, tu commets un péché, nefsi nefsi, chacun se connaît, chacun connaît ses péchés. Et Allah Azza wa Jalla en est témoin. L'essentiel, c'est qu'on soit sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on se débarrasse de ses mauvais penchants. Si tu as un mauvais penchant et tu es attaché à cela, fais un pacte avec Allah. Fais le pacte avec Allah de jeûner. Par exemple, pour toi, c'est très dur de jeûner. Eh bien, je fais le pacte avec Allah de jeûner 4 jours si je fais tel péché. Mais attention, c'est un vœu. Et ce jeûne-là, après, si tu tombes dans le péché, ce jeûne-là devient obligatoire pour toi. C'est une dette, non plus avec les gens, mais une dette avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour revenir, le fait de faire des péchés n'a jamais été une condition pour abandonner le fait d'étudier. Au contraire, plus tu vas étudier convenablement, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas connaître Allah, plus tu vas craindre Allah, plus tu vas t'éloigner des péchés envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose pour finir, depuis tout à l'heure je dis pour finir, mais ça finit plus, subhanallah. Inch'Allah, on va vraiment s'arrêter, inch'Allah. Une dernière chose, inch'Allah, deux choses. Ah mais subhanallah, ça. La parole sans science. Attention, au fait de donner une parole sans science. Tout le monde connaît le hadith où un homme a tué 99 personnes, puis il a demandé quel est le plus savant. On l'a envoyé vers un tel, il a dit, voilà, j'ai tué 99 personnes, est-ce qu'Allah peut me pardonner? Il lui a dit, non, il l'a tué. Unzur kayfa yamut. Yamut bil kalam bi ghayri ilm. Bil fatwa. Regarde comment il est mort. Il a eu son châtiment sur place. Regarde comment Allah Azza wa Jalla l'a châtié. Ça, c'est fait de dunya. Il va falloir attendre l'akhira pour lui. Il est mort en ayant donné une parole sans science. Parce qu'Allah Azza wa Jalla va lui pardonner à cet homme-là. Il a donné une parole sans science. Le châtiment lui est tombé tout directement dessus. Il est mort avec une parole sans science. Al-Maut. Son châtiment dans le dunya de l'avoir donné une parole sans science, ça a été quoi? Al-Maut. Directement. La mort. Ne donne pas une parole sans science. Pour revenir sur l'idée qu'une idée peut changer ta vie, subhanallah, il y a un exemple qui est l'imam Bukhari, rahimallah. L'imam Bukhari, rahimallah, ta'ala, tout le monde connaît l'imam Bukhari, là, son œuvre elle est connue, Sahih al-Bukhari, il a regroupé tout ce qui est Sahih dans la sunna du prophète, sallam. Un jour, il était assis avec ses... avec d'autres élèves, il était élève lui-même et son professeur l'aura mentionné en disant il serait bien que l'un si l'un d'entre vous il réunisse tous les ahadith sahiha. Après le cheikh a continué à parler et ben subhanallah ça a changé sa vie puisqu'il s'est devenu le but de sa vie de réunir sahiha tous les ahadith sahiha qu'il pouvait avoir, il allait les chercher et il a donné sa vie en sacrifice pour ça et aujourd'hui regarde toutes les hassanat qu'il gagne. À chaque fois que tu lis Sahih al-Bukhari, Rawi al-Bukhari, ces hassanat continuent dans l'attente. Ne néglige rien dans la science. Une phrase peut changer toute ta vie. Lorsque quelqu'un est dans les péchés, comme on a dit, il entend la phrase qu'on a donnée de Salaf, subhanallah, ça peut le faire avancer. Ça se trouve, il va être soulagé d'un poids. Ce péché-là, c'était un poids pour lui. Et ne minimise jamais tes péchés. Jamais. Plus tu les minimises, plus ils sont grands auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu les rends grands auprès d'Allah, plus auprès d'Allah azza wa jalla ils seront petits. Wa nas'allahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min al-muttamassikin bi kitabillah wa sunnati an-nabiy alayhi salatu wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'espère inshallah que ces conseils que Cheikh Othaymeen a donné à rahimallah seront profitables à chacun d'entre nous et qu'ils seront appliqués. Et pour le répéter, vous avez tout dans Kitab ou l'ilm. Il y a encore beaucoup de fawaïd dans ce livre. Si vous pouvez l'avoir, Inch'Allah, vous l'aurez. Wa sallallahu salam ala rasulillah. Barakallahu li wa lakum. Là, ma diac. Je l'ai appelé en plus. Mais je crois qu'il allait pour Tessir à Manter. Ah, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va.